Chapitre 43e. 2 heures après, Baccarat courait rue du Faubourg Saint-Antoine et faisait arrêter sa voiture à la porte des ateliers de Léon Roland. Elle monta rapidement l'escalier et ne s'arrêta qu'à la porte de Cerise. Ce fut la jeune femme elle-même qui vint lui ouvrir. Cerise n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses yeux rougis disaient les larmes qu'elle avait versées dans le silence et l'isolement. Elle se jeta dans les bras de sa sœur, sans prendre garde à sa métamorphose mondaine. « Ah, viens, lui dit-elle, viens, tu es bonne de venir me voir, car je souffre. » Cerise était seule à cette heure. La mère de Léon était sortie, et ce dernier était sans doute à son atelier. Cerise entraîna sa sœur au fond de ce petit salon modeste que jadis Léon avait meublé pour elle avec tant de joie et d'amour, et elle la fit asseoir auprès d'elle. « Mon Dieu, pauvre petite sœur, murmura Baccarat. Comme la voilà changée. » Cerise appuya la main sur son cœur. « Oh, dit-elle, ma vie est un enfer. » Baccarat lui prit les mains. « Espère, murmura-t-elle. Cerise fondit en larmes et se tut. « Mais, s'écria Baccarat, c'est tombé donc un monstre qu'il ose te faire souffrir ainsi ?»« Non, répondit Cerise, car il souffre lui-même comme un damné. Il souffre, lui, à en mourir. Il est fou. » Oui. Fou de douleur, car cette créature ne l'aime pas. » Et comme Baccarat paraissait ne point comprendre, Cerise ajouta, « Elle l'a déjà abandonnée. »« Elle ?»« Oui, » fit Cerise d'un signe. « Ah, tant mieux alors, car le premier étourdissement passé, il te reviendra. » Et Baccarat, pressant les mains de Cerise, ajouta, « Cher enfant, ne sais-tu donc pas que tout passe avec le temps, même l'amour ?» En parlant ainsi, Baccarat oubliait qu'elle aimait toujours, elle, qu'elle aimerait éternellement. Ou plutôt, elle ne croyait point à ces paroles consolatrices, avec lesquelles elle essayait d'apaiser la douleur de Cerise. « Oui, continua-t-elle, tout passe avec le temps, enfant. Tout, même l'amour, surtout l'amour, quand il est né du hasard et d'un moment de folie. Elle l'a quitté, dis-tu, depuis 3 jours. Tu en es sûr ?» Cerise inclina la tête. « Alors espère, ma pauvre petite, le reproche peut-être, ou il te demandera pardon à genoux. » Un sourire navré vint aux lèvres de Cerise. « Je lui pardonnerai, dit-elle. Je lui ai pardonné par avance. Je consentirai de grand cœur à rester malheureuse, même s'il ne l'était pas. Mais il souffre tant, lui. » Cerise essaya de dominer son émotion. « Mon Dieu, si tu savais, fit-elle. Depuis hier soir, il est comme un désespéré. Cette nuit, il a voulu se tuer. » Baccarat eut un geste de surprise. « Se tuer, dit-elle. Oui. » Il a passé la nuit à se promener à grands pas, parlant tout seul et se frappant le front et la poitrine. Je feignais de dormir, car il me brusquait depuis quelques jours lorsque j'essayais de l'interroger. Tout à coup, il ouvrit la fenêtre, mais je l'avais deviné. Je poussai un cri, m'élançai, et le retins au moment où il allait se précipiter. Il se retourna, me regarda d'un œil hagard et me dit « Pourquoi m'avoir retenu ? Mais malheureux, m'écriai-je, ton enfant ! « Oublies-tu ton enfant ?» Je ne lui parlais pas de moi, je savais bien qu'il ne m'aimait plus. Cerise, dominée par l'émotion, cacha sa tête dans ses mains et Baccarat vit jaillir ses larmes à travers ses doigts roses et mignons. « Le nom de son enfant, reprit-elle enfin, l'a fait tressaillir et hésiter. Il s'est approché du berceau, a regardé l'enfant endormi, l'a baisé au front et s'est pris à pleurer. « Je suis un misérable, m'a-t-il dit. Pardonnez-moi, vous qui êtes un ange. » Il m'a baisé la main. Puis, comme il faisait un pas vers la porte, je voulais le retenir encore. « Où allez-vous ? Laissez-moi sortir. J'ai besoin d'air. J'étouffe. » « Léon, et j'ai la force de lui dire, me promets-tu de ne pas te tuer ?»« Oui, m'a-t-il répondu. Tu me le jures ? Oui. » « Au nom de notre enfant ? Oui, je te le jure, mais laisse-moi. Je ne suis pas digne de rester ici. » Il s'en est allé, et je l'ai entendu descendre l'escalier en sanglotant. Je l'ai attendu le reste de la nuit. Il n'est pas revenu. Ce matin, inquiète, hors de moi, je courus à l'atelier. Je l'ai trouvé travaillant. Mais il avait les yeux rouges, il était pâle comme un mort. Il a dû souffrir le martyre. Il est remonté, obéissant à l'habitude, vers 11 heures pour déjeuner. Mais il n'avait ni faim, ni soif. Il n'a vu que son enfant. Il l'a tenu longtemps dans ses bras, lui parlant, lui souriant. Il ne nous a pas ouvert la bouche, ni à sa mère, ni à moi. « Mais, demanda Baccarat, « Comment sais-tu donc, petite sœur, que cette créature l'a quitté? Te l'a-t-il dit ?»« Oh non, jamais il n'a osé m'en parler. Mon Dieu, s'il m'avait parlé d'elle, et que cela eût dû le soulager, je l'aurais écouté. Mais alors, comment as-tu pu savoir? Comment sais-tu ?»« Ah !» dit Cerise, « j'ai trouvé une lettre qu'il avait froissée dans ses doigts, couverte de baisers, et que, dans son agitation, il a laissé tomber ici en s'en allant. » Et Cerise tira de son sein un papier plié en quatre, et qu'elle avait placé comme un fer rouge sur sa poitrine, sans doute pour s'habituer à la douleur. Baccarat s'empara de ce papier, le déplia et voulut le lire. C'était la lettre écrite par Turquoise la veille au soir, dans le petit logement de la rue de Charonne, et que Léon Roland avait trouvée toute ouverte sur la table de la première pièce. Lettre par laquelle Turquoise lui annonçait, en termes obscurs et évasifs, qu'elle ne le reverrait plus. À peine Baccarat eut-elle jeté les yeux sur l'écriture allongée et menue de cette lettre, qu'elle eut un éblouissement. C'était une vraie lettre de grisette. Mais Baccarat venait de reconnaître cette écriture. La main qui avait tracé ses adieux à Léon Roland sur du papier à deux liards, la feuille, était celle-là même qui, sur du papier anglais jaune pâle, exhalant un discret parfum d'ambre, avait écrit à Henriette de Bellefontaine pour l'avertir de l'heureuse négociation de ses lettres d'amour. La jeune femme fouilla dans sa poche, en retira ce dernier billet, le confronta avec une religieuse attention, un soin scrupuleux, avec la lettre adressée à Roland et murmura « Ah, j'ai donc enfin la clé du mystère !» Il se fit dans le cerveau de Baccarat comme une grande lumière, et plus que jamais, elle demeura convaincue de l'infamie d'Andrea et de sa participation à toutes ces horreurs. Il lui était désormais impossible de douter plus longtemps. La femme dont Léon était épris, cette femme pour laquelle il se mourait d'amour, et qui certainement ne l'avait momentanément abandonnée que pour se l'attacher par le désespoir, le plus indissoluble des liens, n'était-ce pas Turquoise ? Turquoise, cette même femme qui avait ensorcelé Fernand Rocher et juré la veille, sur ses grands dieux, qu'elle l'aimait à l'adoration, à la folie, à en mourir. Baccarat comprit tout. Turquoise avait été plus forte qu'elle. Turquoise, à demi battue, se retirait en portant le secret de sa défaite. Car il y avait maintenant un secret, un mystère horrible peut-être, au fond de ce drame, dont un rayon inattendu perçait tout à coup les ténèbres. Baccarat ne pouvait plus admettre la fable de la pauvre pécheresse, cette fable d'amour qu'elle avait récitée avec des larmes et des poses sentimentales, qu'elle avait su envelopper de circonstances ingénieuses telles que son désintéressement, son abandon du petit hôtel et des titres de rente, sa mansarde de la rue Blanche et ses humbles habits de grisette. Cette fable détruite restait un secret, un mystère. C'est-à-dire que bien certainement, Turquoise n'était qu'un instrument, l'instrument d'une vengeance. Et si quelqu'un avait à se venger, n'était-ce pas Sir Williams ? Ceci ressortait aussi clairement que le jour pour Baccarat. Seulement il fallait des preuves, et ces preuves manquaient sans doute, ou plutôt, Sir Williams était de taille à les avoir effacées toutes jusqu'à la dernière. Cerise n'avait rien compris à l'étonnement, à la terreur, puis à une sorte de joie inspirée qui, tour à tour, s'était montrée sur le visage de sa sœur. Elle la contemplait et gardait le silence. Mais Baccarat était une de ces fortes natures que la tempête courbe sans les pouvoir abattre et qui se relève plus vigoureuse. Son intelligence énergique brillait surtout par sa spontanéité, et d'un coup d'œil, elle jugeait froidement toute une situation. Deviner, pressentir plutôt et prendre un parti de suite fut pour elle l'affaire de quelques secondes. Cette lettre, brillant comme un éclair dans la nuit, semblait écrite en caractères de feu et ses caractères assemblés répétaient le nom de Sir Williams. Sir Williams, c'était la lutte, une lutte acharnée et sans merci entre elle et lui, une lutte que l'ombre devait envelopper, qui devait avoir lieu sans témoin, une lutte enfin dans laquelle une simple confidence pouvait être l'arrêt de celui des adversaires qui se serait montré imprudent. Et Baccarat comprit que ni sa sœur, ni M. de Kergaz, ni Fernand, ni personne enfin ne devait être dans son secret, qu'elle devait agir seule et silencieusement, car la vraie force, c'est l'isolement et le silence pour de certaines dames. Aussi elle ne dit rien à Cerise, elle ne lui fit point remarquer l'identité des deux écritures, et elle ne prononça point le nom d'Andrea. Elle se contenta de prendre sa sœur dans ses bras, de lui mettre un baiser au front et de lui dire « Écoute bien, petite sœur, et crois à mes paroles, car je te le jure, je dis la vérité. Avant 15 jours, Léon aura retrouvé le repos et il se reprendra à t'aimer. » Cerise eut un cri de joie. « Mon Dieu, dirais-tu vrai ? » murmura-t-elle frissonnante. « Je te le jure, crois-moi et espère. » Et Baccara ne voulut point s'expliquer. Elle s'en alla, laissant à sa sœur ce mot d'espoir comme un baume versé sur les blessures de son cœur. Seulement, elle emportait la lettre de Turquoise à Léon Roland. « Où va madame ?» demanda le cocher en baissant le marchepied du coupé devant la belle repentie. Cette question, faite à la porte même de Léon Roland, arracha Baccara à une rêverie profonde qui s'était emparée d'elle dans l'escalier de sa sœur. « Je ne sais pas, » répondit-elle, « prenez le boulevard et allez au pas jusqu'à la Madeleine. » Baccara avait besoin de réfléchir. Irait-elle chez Turquoise ? Et là, comme jadis, comme la veille, redevenant l'énergique fille du peuple, prendra-t-elle dans ses mains nerveuses le cou blanc et frêle de sa ribale, et la menaçant de l'étouffer, tenterait-elle de lui arracher son secret ? Ce parti extrême était dangereux ou du moins prématuré. Sir Williams pouvait se trouver chez Turquoise et venir à son aide. Et puis, si Baccara voulait déjouer les machiavéliques projets de Sir Williams, il était urgent, indispensable, que la défiance du baronnet ne fût point éveillée. La jeune femme renonça donc sur le champ à cette première inspiration, qui naturellement s'était tout d'abord présentée à son esprit, et elle comprit que Sir Williams était un ennemi qu'il fallait attaquer avec une circonspection extrême et ne frapper qu'à coup sûr. Le coupé de Baccara longea lentement les boulevards, et lorsqu'il arriva à la Madeleine, la jeune femme ne s'était encore arrêtée à aucun parti, si ce n'est de temporiser et de rechercher patiemment un bout du fil d'Ariane, si nécessaire pour pénétrer sans hésitation dans ce labyrinthe, plus inextricable encore que celui de Crète. « Allons rue de Bussy, » se dit-elle, « j'ai comme un pressentiment qu'il y est déjà venu, ou qu'il y viendra. » Et Baccara cria au cocher, « Rue de Bussy !» Le coupé monta la rue Royale, gagna la rive gauche de la Seine par la place de la Concorde et le pont du même nom, et 20 minutes après, il s'arrêtait à la porte de l'austère maison où nous avons déjà introduit le lecteur. En route, Baccara était, autant que possible, redevenue Madame Charmet, c'est-à-dire qu'elle avait chastement baissé son voile et s'était drapée dans son cachemire de la façon la plus distinguée. Les habitants de la rue tranquille, qui la virent descendre et rentrer chez elle, ne reconnurent peut-être pas dans l'élégante jeune femme la dame de charité, vêtue ordinairement de noir, mais ils durent la prendre pour quelques dames du grand monde venant causer de bonnes œuvres avec Madame Charmet. Les deux domestiques de la dame de charité furent fort étonnés de cette transformation et de ce changement de toilette, mais elle leur ferma la bouche d'un geste impérieux et froid. Puis, entrant au salon, « Est-il venu quelqu'un en mon absence ?»« Monsieur le vicomte Andrea, madame, » répondit la vieille Marguerite. « À quelle heure ?»« Il est venu 2 fois, d'abord ce matin, et puis il y a 1 heure. » Et Marguerite remit un billet à Baccara. Baccara l'ouvrit et lut. « Madame, j'ai d'importantes révélations à vous faire au sujet des valets de cœur. Il faut que je vous voie au plus tôt. Votre frère en repentir, Andrea. » Baccara froissa la lettre et la jeta au feu. « Marguerite, » dit-elle, « si monsieur le vicomte revient ce soir, je n'y suis pas. Et s'il vient demain, vous lui rapporterez fidèlement ce que j'ai fait. » Baccara fit venir son domestique. « Julien, je compte vendre cette maison où je ne reviendrai probablement pas de quelques jours. » Les deux serviteurs, qui ne connaissaient que Madame Charmet, c'est-à-dire qui ne savaient ni l'un ni l'autre qu'elle s'était nommée la Baccara, laissèrent échapper une exclamation de surprise. « J'ai pris certaines dispositions, » poursuivit Baccara. « Ces dispositions vous concernent. Tant que cette maison ne sera point vendue, vous resterez ici tous deux. Le jour où elle passera en d'autres mains que les miennes, vous pourrez vous retirer avec 600 livres de rente viagère. » Et Baccara congédia ces gens d'un ton qui n'admettait ni question ni réplique et leur ordonna de lui envoyer la petite juive. L'enfant accourut et demeura toute surprise de voir Baccara si élégante et si belle. « Ah, chère madame, la belle robe! murmura-t-elle avec une naïve admiration. « Vous êtes encore plus belle que hier. »« Mon enfant, » dit Baccara, en prenant la juive sur ses genoux et la baisant au front avec tendresse, « conte-moi ce que tu as fait depuis hier. »« Oh, j'étais bien triste, allez, » dit naïvement l'enfant. « Bien triste et bien désolé, ma belle madame, d'être comme ça séparée de vous. »« Eh bien, me voilà, es-tu contente ?»« Oh oui. » « Mais vous n'allez pas partir encore, n'est-ce pas ?» interrogea l'enfant d'une petite voix câline. « Si, ma petite. Et je vais encore rester seule ?»« Non, je t'emmène. »« Ah, quel bonheur !» dit la juive. « Quel bonheur de vous suivre, madame !» Puis un pli se forma sur son front uni et doré. « Vous m'emmenez ? » dit-elle. « Tant mieux. Pourquoi » Pourquoi ? L'enfant laissa lire sur sa physionomie une impression de terreur. « C'est que comme ça, » dit-elle, « je ne verrai plus ce vilain monsieur. »« Quel monsieur ? Celui de l'autre jour. » Baccara tressaillit et se souvint du regard que Sir Williams avait jeté à la petite juive. « Est-ce ce monsieur qui a une longue redingote, un grand chapeau et l'air souffrant ?»« Oui, madame. » « L'aurais-tu revu ?»« Oui, il est venu ce matin et puis encore ce soir. » »« Et il te fait peur ?» L'enfant répondit par un signe de tête. Baccara devint pensive. « Il a l'air méchant. » reprit l'enfant. « Il me regarde à me faire frémir. »« Pauvre enfant. » »« Je n'ai connu qu'un homme qui me regardait comme ça. » continua la juive. « Quel était cet homme ?»« Un homme qui voulait m'endormir. » Ces paroles étonnèrent Madame Charmé au dernier point et elle regarda l'enfant d'un air interrogateur. L'enfant reprit. « Maman n'était pas morte alors. Dans la rue de la Verrerie où nous étions, il y avait au-dessus de nous un monsieur bien laid. » qui avait une grande barbe et l'air aussi méchant que celui qui est venu ici. Quand je le rencontrais sous l'escalier, il me regardait si drôlement que je me sauvais. Ah, quand j'étais rentré, mon cœur battait encore de peur. Un jour, ce monsieur vint frapper à notre porte. Ce fut maman qui lui ouvrit. « Madame, lui dit-il, je suis un savant et je vous veux du bien. Si vous y consentiez, je pourrais faire gagner votre fille 10 francs par jour. » Maman devint toute joyeuse. Nous étions si pauvres. Alors le monsieur à la longue barbe me désigna du doigt. « Ou je me trompe fort, dit-il, ou votre fille est somnambule. » À ces mots, Baccara tressaillit. Alors, continua l'enfant, il me regarda et vint à moi. Je voulais me sauver, je voulais crier, mais je ne pus pas faire un pas ni remuer mes lèvres et je me laissai tomber sur une chaise. Il me mit son doigt sur le front et me dit « Dormez. » « Et tu t'endormis ?» demanda Baccara, intéressé soudain par ce récit. « Je ne voulais pas dormir, je voulais fuir, mais je ne pus résister. Et je ne sais pas ce qui m'arriva après, car je fermais les yeux et m'endormis en effet. Quand je me réveillais, le monsieur était parti, et ma mère chantait comme dans le temps où mon père vivait et où nous avions de l'argent. Elle m'embrassa et me dit « Tu es somnambule, ma fille. » Je ne savais pas ce que c'était. « C'est-à-dire, reprit ma mère, que tu vois et que tu parles en dormant et que tu feras ta fortune. » Et ma mère me montra 2 pièces de 100 sous que le monsieur lui avait données. « Et ?» demanda Baccara. « Il revint ?»« Oui, le lendemain, puis les autres jours. Il venait avec des messieurs. Moi, je voulais toujours me sauver tant j'avais peur. Mais il lui suffisait de me regarder pour me clouer immobile à la place où j'étais, et je fermais les yeux. Il paraît que lorsque je dormais, je disais des choses extraordinaires. Et ce monsieur, que je craignais tant, disait qu'il voulait me faire devenir riche. Malheureusement, maman mourut quelques jours après, et on nous chassa de la maison parce que nous devions 3 termes. Je n'ai pas revu ce monsieur. » Baccara écoutait, rêveuse, et livrée à une méditation profonde. « Mon Dieu » murmura-t-elle tout à coup. « Je me souviens que lorsque j'étais dans le quartier Bréda, j'allais souvent consulter une somnambule pour savoir si j'étais aimée. La somnambule se trompait quelquefois, mais quelquefois elle disait la vérité. Oh, si cela était, si je pouvais lire au fond du cœur d'Andrea avec les yeux de cet enfant. » Et l'œil de Baccara jeta un fauve éclair.